Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous décevoir amèrement. Je m'étais engagé auprès du personnel de la bibliothèque de la Sorbonne à exalter l'une des innombrables petites merveilles que recèlent ces murs. On m'a très généreusement accueilli voilà un mois. J'ai bénéficié d'explications très détaillées sur cette institution. J'ai eu droit à une visite guidée, approfondie du lieu. On m'a parlé de choses extraordinaires. Par exemple, d'un exemplaire de l'édition originale du discours de la méthode qui avait appartenu au père Mersenne. Je marque exprès une pause pour vous permettre de vous remettre un peu de l'émotion qu'un fait de cette importance ne peut pas, ne pas, je crois, faire naître en vous. Ou encore, la bibliothèque de Victor Cousin, l'intégralité de la bibliothèque de Victor Cousin, dans son jus, se trouve à quelques mètres de vous. Avec le coin de l'œil, j'ai vu des merveilles. Par exemple, j'ai surpris une jeune collègue occupée à numériser des recueils d'estampes du XIXe siècle. Oui, mais celle dont elle s'occupait était inachevée parce que, ai-je appris, eh bien, le modèle, qui était une très jolie jeune personne de 25 ans, était morte en cours d'exécution. Et le dessin figurait son dernier état du côté du monde des vivants. Alors ne croyez pas que je n'ai pas longtemps remâché ces souvenirs extraordinaires. Et puis je me suis dit, si je choisis par exemple l'exemplaire du discours de la méthode ayant appartenu au père Mersenne, ça va m'occuper très très longtemps, je vais m'exalter, et ce sera au détriment de tout le reste. Pardon. Ce qui fait que plutôt de célébrer un incunable, un exemplaire d'un texte capital ayant passé entre des mains, comment dire, extraordinaires, le père Mersenne est celui qui a servi en quelque sorte d'intercesseur entre la lointaine Hollande où Descartes était exilé et Paris en général et les doctes de la Sorbonne, je les cite en particulier. Donc je vais plutôt évoquer, il faut que je précise, je suis un provincial de la pire espèce, cette énorme merveille que constitue la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, son passé, la richesse de son fond, son emplacement au cœur de Paris, sa majesté dont on ne peut pas ne pas être frappé lorsqu'on a franchi le porche. Alors je vais faire le savant et vous livrer quelques-uns des chiffres qui m'ont été communiqués lors de ma visite. On m'a dit 2 millions d'ouvrages, 34 kilomètres de rayonnage. Pour les parcourir au pas régimentaire, il faudrait une journée. Il faudrait une journée de marche pour venir à bout de l'enfilade de 34 kilomètres de dos de livres juxtaposés et pressés les uns contre les autres. J'ai fait un calcul sordide. On peut lire à peu près 5000 livres dans une vie, en leur donnant le meilleur de son temps. Donc j'ai fait un autre petit calcul. Il faudrait à peu près 500 vies pour prendre connaissance du savoir qui se trouve concentré dans ce 5e arrondissement de Paris. Et Paris pensé, me semble-t-il, ajoute à l'accablement de la marche imaginaire d'une journée qu'il faudrait pour remonter d'une extrémité à l'autre les dos des livres étagés. Il faut que je touche un mot. J'y suis condamné par la conjoncture de la troisième et sans doute dernière révolution du mode technologique de communication que constitue le numérique et qui va de toute évidence bouleverser la physionomie de cette très ancienne institution qu'est la bibliothèque. Comme je ne vois pas de petits-enfants dans l'assistance, je peux hasarder une proposition cavalière. Nous sommes tous, autant que nous sommes, les ultimes représentants de la deuxième révolution du mode technologique de communication, c'est-à-dire l'imprimerie, la mécanisation du texte. Et c'est parce que la troisième révolution, non pas même s'annonce, mais est en cours, que nous découvrons les limitations que, sans y voir malice, nous avions hérité de la première, c'est-à-dire de l'invention de l'écriture. Ça fait à peu près 200 ans que les premières écritures ont été déchiffrées. Je pense que deux noms s'attachent à cette percée. L'un est forcément français et l'autre non moins nécessairement anglais. Ce sont les deux premières puissances coloniales de la Terre. Le premier, c'est Champollion, qui a déchiffré des hiéroglyphes égyptiens. Le second est un anglais qui s'appelait Rawlinson, qui lui a déchiffré des caractères cunéiformes de la Mésopotamie. Ce qui est troublant, mais nous venons 200 ans après, c'est que ni l'un ni l'autre de ces savants n'aient mesuré ni les attendus ni la portée de leur découverte. Alors je sais bien que aux difficultés proprement intellectuelles qu'ils ont rencontrées s'ajoutaient des difficultés matérielles dont il me semble qu'elles ont leur prix, leur poids dans l'avancée qu'ils ont accomplie du côté de ces ténèbres où avait sombré le passé. Alors je vais commencer par Rawlinson. Vous savez qu'il a relevé de gigantesques inscriptions en caractères cunéiformes à la gloire de Darius, aux parois d'une gorge extraordinairement abrupte à Beistoun. Enfin, je ne sais pas comment on prononce le mot. Alors, il avait échafaudé avec des échelles une sorte de construction qui lui permettait de relever avec le plus grand soin ces caractères qu'il s'agissait d'interpréter. L'échafaudage cède. Rawlinson était quelqu'un d'un peu corpulent, il aurait dû dépêcher quelqu'un. Et Rawlinson ne doit son salut qu'au fait qu'une providentielle saillie du roc lui permet de s'accrocher et d'éviter de mourir fracassé 40 ou 50 mètres plus bas. C'est un jeune berger kurde qui, accroché à une corde, est allé relever avec du papier mâché la troisième ou la quatrième inscription qui était hors de portée de l'espèce de dispositif que Rawlinson avait utilisé. Vous savez que Champollion est tombé en catalepsie dans la seconde qui a suivi l'instant où il a eu l'absolue certitude qu'il détenait enfin la clé de cette vieille écriture hiéroglyphique. Il est resté pendant 2 jours et demi dans un coma dont on s'est demandé s'il ne serait pas la mort, très peu de souffle, le test du miroir que l'on passe devant la bouche à peu près inopérant. Il est sorti de là, et puis ensuite il a livré ses travaux magnifiques, dont nous lui sommes toujours très éminemment comptables. Ça peut inspirer des réflexions sur l'espèce symbolique par excellence, c'est-à-dire nous. Non seulement les choses nous affectent, mais les signes aussi, au point de compromettre notre existence, ou de me plonger dans de ces états comateux, cataleptiques, dont on pourrait peut-être bien ne plus sortir jamais. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, les vivants, ça fait à peu près, enfin, depuis 1450, depuis Mayence, depuis Strasbourg, depuis Gutenberg, le système alphabétique que nous utilisons très systématiquement depuis toujours en France, en Gaule, et le papier qui en est le support, s'impose ou se sont imposés si fort à l'évidence qu'on n'a pas cru devoir y faire autrement réflexion pendant très longtemps. On ne concevait rien au-delà. Moi, tout le premier. Il a fallu, je crois, l'éveil du traitement électronique de l'information dans les années 60 pour que l'importance décisive de la rupture induite par l'invention de l'écrit apparaisse en pleine lumière aux yeux de ses bénéficiaires. Vous, moi, toute la population des pays développés et depuis pas très longtemps, le monde entier. On peut dater précisément, ça remonte à 1978. Ce moment où, ça vient d'Angleterre ça encore, un anthropologue britannique qui s'appelait Jack Goody, qui a disparu au mois de juillet de l'année dernière, a dit péremptoirement, l'invention de l'écriture est l'événement le plus important de toute l'aventure humaine. Il met en regard un certain nombre de choses que nous tenons pour capitales, et chaque fois rapporte ces choses à ce geste accompli par un Irakien anonyme vers la fin du quatrième millénaire avant notre ère, mettre en sûreté, c'est-à-dire hors de nous, notre pensée. C'est resté une question extrêmement irritante, si l'on en croit encore les débats qu'on peut consulter, et en vérité désespérante, que celle de savoir pourquoi l'écrit a tellement tardé à paraître aux mains ou aux doigts de l'homme. La race de Cro-Magnon, c'est-à-dire la nôtre, accuse entre 50 000 et 60 000 ans d'âge. L'ostéologie, la paléontologie, faits matériels à l'appui, établissent que ces hommes sont déjà nous, ou nous, aujourd'hui, eux. Leur taille est la nôtre, entre 1,70 m et 1,80 m. Leur stature parfaitement verticale, sans la courbure un peu gênante, un peu simiesque, allons-y, du prédécesseur néandertalien. Leur capacité intracrânienne, 1500 cm3, 1,5 l, comme nous. Un grand préhistorien qui s'appelait André Leroy-Gourhan a découvert, à peu près au même endroit par rapport à l'entrée, dans diverses grottes, des scarifications parallèles régulières dont il a un temps supposé, imaginé, qu'il pouvait s'agir de proto-écriture. Il a écrit plusieurs articles qui sont presque convaincants à ce sujet. Il avait cette arrière-pensée que nous avons tous. Des hommes qui sont capables de peindre Lascaux sont parfaitement susceptibles de mettre au point un système de notation graphique, au moins analogique, au moins imitatif. Quand on voit la perfection avec laquelle ils ont restitué la faune dont ils ont partagé la destinée, on se dit que ça n'était qu'un jeu pour eux avec leur litre et demi de cylindrée intracrânienne, si, que de mettre au point un système de notation semblable au premier cunéiforme, où on voit très bien que c'est des pictogrammes. Ils ne l'ont pas fait. Alors, on pense bien sûr à Picasso sortant, mais voûté, courbé, ébloui de Lascaux et déclarant, c'est ses premiers mots, on n'a pas fait mieux depuis. La peinture parvient dès le Magdalénien, c'est-à-dire 18 000, 19 000 avant notre ère. à un stade de perfection que reconnaît immédiatement le premier peintre du siècle dernier. Pourquoi ils n'ont pas d'écriture? Qu'est-ce qui s'est opposé à ce que ces homos, deux fois sapiens, élaborent dès alors cet instrument magique qui nous permet de braver le temps irréparable, les méfaits de l'oubli, la trahison, etc. Alors, la réponse, elle n'est pas là où les préhistoriens, par, je dirais, déformation professionnelle, sont allés la chercher, du côté de l'anatomie. Elle est de l'ordre de l'histoire. L'humanité, à ce moment précis, dès avant ce moment et fort au-delà, bien plus tard, consiste en très petits groupes itinérants et parfaitement égalitaires. On a eu pour désigner ce stade de la civilisation, de la barbarie, comme il vous plaira, un mot, celui de communisme primitif. On ne peut échapper aux aléas de ces économies que l'on qualifie de prélèvement ou d'occupation, que sous la réserve d'observer le plus scrupuleux partage des ressources. On taille un artiste la pierre. Ceux qui ont vu, je ne sais pas, une pièce de l'outillage lithique qu'on appelle la feuille de laurier. Ça vient des solutréens, des chasseurs de chevaux de la roche du solutré. C'est une œuvre d'art. Ces hommes sont des orfèvres. Ils tirent du silex, quelque chose dont on se demande encore comment ils ont bien pu y parvenir. J'ai vu dans des publications que peut-être qu'ils le faisaient chauffer, que cela change suffisamment la consistance du matériau pour permettre d'obtenir des finesses auxquelles ils ne sauraient sans cela se prêter. Donc c'est un monde égalitaire. La division du travail n'exerce pas ses effets mutilants. Chacun, on peut se régler là-dessus sur les rapports qui ont commencé d'affluer en Europe, sur les groupes, les sociétés primitives que les Européens colonialistes, impérialistes rencontraient partout sur leur route et balayaient, anéantissaient. Chacun dispose de l'intégralité de la culture symbolique et technique. Un répertoire de mythes dont rien ne subsiste. Si ce n'est sous forme de traces dans les derniers mythes qu'on ait recueillis à partir de leur naissance jusqu'au début du XXe siècle. Lévi-Strauss dit quelque part qu'un certain nombre de pièces qu'il a eues entre les mains lui semblaient provenir en droite ligne du paléolithique et véritablement profond, moyen ou inférieur. La division du travail est inconnue et pendant l'essentiel de l'aventure humaine, c'est-à-dire la préhistoire, je ne sais pas combien d'années vous dire, 100 000 ans, 250 000, 500 000. Il n'y a pas de traces écrites, parce qu'on n'en ressent pas la nécessité. On ne sait trop, là aussi on trouve un certain nombre de publications d'historiens, ce qui a pu déterminer la fragmentation, la décomposition de la communauté primitive. Peut-être des groupes de chasseurs, en provenance des montagnes, ont-ils asservi les premiers groupes sédentaires qui s'essayaient à l'agriculture sur les limons fluviatiques dans la plaine, au bord des grands fleuves où la civilisation s'est développée, le Tigre, le Frate, le Nil, le Yangtze-Kiang, les zones littorales de l'Europe. On sait que la vie des sociétés primitives est sans doute la plus belle qui nous soit permis de rêver. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le généticien américain d'origine italienne, Cavalli Sforza. Le bonheur, il n'est pas devant nous. Il est derrière nous. Et jamais plus nous n'y reviendrons. Un autre anthropologue américain, pur sucre, lui, qui s'appelle Marshall Salins, a donné, voilà, une bonne quarantaine d'années, un livre très surprenant dont le titre est « Âge de pierre, âge d'abondance ». Alors, comme il est rompu aux méthodes de l'ethnographie, en particulier de l'ethnographie économique, il a mené un certain nombre d'enquêtes auprès de diverses sociétés primitives, les aborigènes australiens, certaines sociétés africaines, et établit le fait suivant. 2 heures de travail procurent leur subsistance journalière aux membres de ces sociétés, contre 8 heures, sans parler des embouteillages et des délais de route, dans les sociétés développées. le reste du temps se passe à parler, parle énormément. À rêver, à dormir, à chanter, à boire, à manger, à sculpter, ils font des choses merveilleuses avec leurs mains, à peindre. Le bonheur était là. Et c'est le propre de ces sociétés qu'il n'y a ni surplus ni accumulation, qui sont les fondements de l'exploitation de l'homme par l'homme. Une dernière concession aux généralités, alors pour le coup c'est un ethnographe français qui a disparu déjà il y a un certain nombre d'années, qui s'appelait André Varagnac, qui, regardant lui aussi d'un peu loin cette étrange aventure, dit ben, c'est facile. Le destin de l'espèce humaine a été successivement inféodé aux trois règnes. La préhistoire, ben, c'est le règne animal. On vit des bêtes, on les représente, on se nourrit de leur chair, on se vêt de leur peau, on taille leurs os, on se fait des colliers avec leurs griffes et leurs dents. Le néolithique, c'est le règne végétal. On a recueilli d'humbles graminées au bord des lacs ou du désert, du blé, de l'orge, du riz, et on les exploite systématiquement en multipliant les rendements. Il y a à peine deux siècles, c'est tout à l'heure, ça vient de commencer, que nous sommes entrés dans ce que le géologue Delaunay, je crois, appelait la conquête minérale. Nous avons entrepris d'éventrer notre mère, la Terre, et si on regarde avec un peu d'attention ce qui s'est passé depuis deux siècles, on peut déjà discerner trois strates qui associent chacune un métal et un combustible. Les débuts de la révolution industrielle, c'est le charbon et le fer. La deuxième strate, c'est la deuxième révolution industrielle, c'est le pétrole et l'aluminium. Aujourd'hui, ben, c'est l'uranium et le silicium. La différence entre les économies de prélèvement ou d'occupation et les économies agropastorales, c'est que celles-ci livrent en une fois et pour une année la subsistance du groupe. C'en est fini de l'insouciance de la vie des petites communautés prédatrices, errantes, de l'infinité de temps que la préhistoire a duré. Il faut stocker les produits, les mettre à l'abri des insectes, des oiseaux, de la pluie, du gel, etc. C'est la première chose. Il faut stocker. La deuxième, c'est que le travail forcé, l'exploitation de l'homme par l'homme, succède aux libres errances et à l'interminable loisir des chasseurs-cueilleurs. Tout ce qui excède les besoins des peuples asservis est immédiatement confisqué par la caste des maîtres, c'est-à-dire des guerriers en général, flanqués de la caste des prêtres. C'est la fameuse tripartition des sociétés que Georges Dumézil a relevé partout. La productivité est si faible dans de telles conditions qu'il faut que l'écrasante majorité de la population, ce qu'on appelle le cheptel parlant, sans état d'âme, l'esclave, soit dessaisie du fruit de leur peine pour qu'une minorité accomplisse d'âge en âge son humanité. Une particularité à laquelle nous ne songeons pas forcément de ce nouveau mode de production, c'est que l'énorme quantité relativement de biens engendrés par le travail forcé excède les capacités naturelles de la mémoire. La nécessité d'un système auxiliaire se fait sentir. Il me semble, qu'une lumière surnaturelle, dorée, enveloppe le geste de cet Irakien de jadis, qui s'est baissé pour pétrir une poignée du limon de l'Euphrate ou du Tigre, qui a coupé le roseau qui poussait à moins d'un mètre de lui et appliqué à la pointe de celui-ci des traces en forme de clous ou de coins dans celle-là. Peut-être bien que c'est le geste le plus important qu'homme ait jamais accompli depuis que notre espèce s'est avancée à la surface de la Terre. Lorsque la quantité de travail n'excède pas des limites étroites, qu'elle est reproduite jour après jour, ce qui est le cas dans les sociétés préhistoriques. L'écrit est parfaitement superflu. On n'a que faire de s'embarrasser de traces et du support de ces traces. Lorsque, d'un coup, le destin de l'espèce s'emballe, l'histoire s'accélère, c'est comme spontanément, naturellement, si je puis m'exprimer de la sorte, alors qu'il s'agit du geste le plus antinaturel qui soit, c'est le geste culturel par excellence que celui de l'invention de l'écriture. Mais c'est tout naturellement que des hommes, rigoureusement, pareillement, leurs enfants sont en Irak et en Syrie, eh bien, élaborent immédiatement le prodigieux médium sans lequel nos vies, la civilisation, s'effondrerait instantanément. Il est troublant, puisque nous savons désormais dans quelles circonstances, quelles conditions l'écriture est née, il est troublant, pour dire le moins, de songer que l'instrument d'exploration, donc d'émancipation le plus puissant que nous ayons à notre disposition, ait d'abord été un instrument d'oppression. L'écriture est fille de l'esclavage. Elle nous sert aujourd'hui comme nul autre instrument à percer les mystères, à pénétrer les arcanes des deux mondes, intérieur et extérieur. Le processus de libération dans lequel nous sommes engagés par le moyen de l'écrit. L'écrit lui est lui-même sujet par une sorte de réflexion en abîme. Il est évident au vu des découvertes de Champollion, Rawlinson, de tous ceux qui leur ont succédé, il est évident que ces Irakiens, puis ces Chinois, puis ces Égyptiens ont cédé, comme il vous plaira, à l'impérieuse séduction ou à l'affreuse tyrannie du monde sensible. Leurs signes, y compris les cunéiformes, sont imitatifs. Ils miment les choses. Je prends deux exemples. Le soleil hiéroglyphique, Ra ou Ré, je ne sais pas comment on dit, ben c'est un disque. Un des idéogrammes chinois qui désigne l'homme ressemble exactement à une silhouette bipède. Il faut donc, puisque le nombre des choses est infini, un nombre sinon infini, du moins considérable de signes, pour les représenter aux yeux d'un tiers. Il y a à peu près 1700 caractères dans le babylonien. Il fallait 10 ans à un scribe de Sumer ou d'Akkad pour user de façon courante de ce système de notation. On a trouvé, on a exhumé les ruines d'ateliers d'écriture où on voit très nettement les ébauches imparfaites des élèves et par endroits la rectification apportée par le maître dans les tablettes d'argile adobe. On dit, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais je l'ai lu, il faut me croire, que génération après génération, d'âge en âge, il se trouve une poignée de mandarins chinois pour s'enorgueillir de posséder les 80 000 idéogrammes que compterait le système chinois. Ça veut dire en apprendre 3 par jour à partir de l'âge de 5 ans. Y revenir le lendemain pour s'assurer qu'ils sont bien gravés dans notre cortex. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne se trouve plus un seul signe qu'on ne soit capable d'interpréter et de reproduire. Mais quand on s'est rendu possesseur et maître d'un tel trésor, on n'en a plus l'usage parce qu'il ne nous reste plus tellement longtemps à vivre. La faim, F-I-N, dévore le moyen. J'ai lu, je sais sous la plume de qui, d'un anthropologue canadien qui s'appelle Eric Havelock, une hypothèse, mais alors, vertigineuse. Havelock se juche sur ce tertre que j'imagine un peu herbu, où il nous prend fantaisie parfois de nous porter pour jeter un regard cavalier sur le destin des bipèdes pensifs à la société desquels nous nous serons trouvés un instant mêlés. Et Havelock note très bien que, à partir du XIIIe, XIVe siècle, l'initiative civilisatrice, dont le creuset était depuis toujours l'Extrême-Orient, migre de ses lointains vers l'Europe occidentale. C'est quand même curieux. On est encore des sauvages, des pèces brutes, que la civilisation chinoise est supérieurement florissante. Quelle est la raison? Pourquoi? Et Havelock avance cette hypothèse que je vous dis. La Chine, à un certain stade de son développement, s'est trouvée entravée par le poids infini, 80 000 idéogrammes, les complications terribles de son système de notation. Alors que, tout grossier et mal lavé que nous fussions alors, nous avions à notre disposition les 26 caractères de l'alphabet parfaitement rationnel que nous avaient légués les Grecs via les Étrusques et les légions romaines, ainsi que le système numérique hindou-arabe que nous avions emprunté à des prisonniers que nous avions faits. C'est forte de ces deux systèmes alphabétiques et numériques hindou ou arabe que l'Europe brise le pesant carcan de la barbarie qui pesait obstinément sur sa nuque depuis la destruction de Rome au 5e siècle et amorce ce mouvement fulgurant qui va faire d'elle pendant un demi-millénaire le sujet de l'histoire. La question est ouverte de savoir si ce qu'on appelle la globalisation ou la mondialisation n'est pas un autre nom pour l'européanisation de la planète. La révolution dans la révolution, l'écriture est prise elle-même dans ce mouvement qu'elle a initié. La révolution dans la révolution, on sait où et quand elle s'est produite. Elle se produit au XIVe siècle, en Syrie, du côté d'une ville qui s'appelle Ougarit. Il est fou, en 2017, de songer que ces lieux miraculeux, où s'est levée la lumière de l'espérance, la Syrie, l'Irak, se trouve actuellement plongé dans une sanglante nuit. Bref, quelqu'un, on ne saura jamais qui, c'est dommage, a fermé les yeux. Il a fermé les yeux pour écouter. Pour écouter quoi? Mais le souffle de l'esprit, c'est-à-dire le langage articulé qui constitue notre propriété distinctive. Et je vois là encore cette lumière un peu surnaturelle, un peu dorée que j'évoquais à propos du geste du scribe mésopotamien qui prélève un peu de limon de l'Euphrate et coupe un roseau prochain. Il me semble que cette même lumière revient flotter au droit du désert sinaïtique lorsque quelqu'un s'avise que ça n'est pas la peine de se tuer à noter les choses. Elles sont trop nombreuses, on y passe sa vie et c'est en vain. Il faut noter les sons, parce qu'il a constaté qu'ils sont très petit nombre et qu'une vingtaine de caractères suffirait à les noter tous. Qu'est-ce qu'on fabrique? C'est le vieux prof de collège qui parle avec 26 caractères. Mais avec 20, ça y est, on est bon. Vous n'avez pas l'usage du H, que je sache, du K non plus. À quoi me sert franchement le W et le Z? On ramène à 20. On peut faire une économie de 20%. C'est bon à prendre, c'est des sommes. Enfin bon, c'est le vieux prof qui prenait la parole. Je reprends mon sérieux. Le processus est à l'œuvre dans l'écrit lui-même. Non seulement il simplifie tout, Il prend en charge notre pensée. Il la conserve jalousement. Il nous la restituera après que nous aurons musé et fantastiqué. Mais lui-même est en proie à une sorte de processus d'involution qui va le porter à ce degré de simplicité parfaite à laquelle il atteint par la faveur intelligente des Grecs. J'insiste, Champollion et Rawlinson ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont fait des merveilles, mais ils ne pouvaient pas, le moment n'était pas venu, prendre la mesure de ce qu'a représenté la mise au point des techniques graphiques. On dirait que ces hommes d'Ougarit, on pense peut-être qu'il s'agissait d'un étrange assortiment d'esclaves hébreux qui travaillaient dans les mines de la Pilazulie et de leurs gardiens égyptiens, puisque c'est le moment où les Hébreux sont exilés, sont en captivité en Égypte. Mais ils n'ont pas cru devoir écrire ce qu'ils étaient en train de fabriquer, alors qu'on aurait très bien compris de quoi ils retournaient, puisqu'on possède parfaitement ces premiers systèmes alphabétiques. La portée du geste est telle que, comme Champollion et Rawlinson, ils s'arrêtent en chemin. Rien ne passe quand on y songe. La prodigieuse économie de moyens réalisés par ces hommes. Mais ils ne sont pas allés au bout. Les alphabets des sémites occidentaux sont consonantiques. Ils ont parfaitement dégagé le squelette du verbe. Mais, ils ont abandonné la chair vocalique, la chair des voyelles. On ne saura jamais quel était le nom de ce grec, ça va être un paresseux, qui au IXe siècle examine ce qu'ils appelaient dans leur langage grec phoinika grammatica. Bah ouais, c'est des lettres phéniciennes. On se sert des caractères phéniciens pour noter nos trucs. Mais il note qu'une imperfection s'attache à ces caractères phéniciens. Et comme quelque chose manque, un doute, une équivoque peuvent très bien subsister sur la teneur du texte. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il a dit ? Ça ouvre la place à l'interprétation. L'interprétation de la Bible, du Coran. Le texte n'est pas suffisamment précis. Et ce gros paresseux de grec se dit, ben voyons, il y a ici ou là un certain nombre de caractères des langues sémitiques qui n'ont pas d'équivalent dans notre langue à nous. On va les utiliser pour donner une trace écrite à ces sons, les voyelles que nous utilisons, après quoi ce que je lirai sera exactement ce que pensait celui qui a écrit. On n'a rien trouvé à ajouter à cette invention. L'alphabet grec est parfaitement rationnel. À tout caractère, un son. Pour tout son, un caractère. Une dernière chose qui est quand même émouvante. On a repris leur alphabet sans trop s'inquiéter de regarder au détail, parce que ce sont des fins pratiques toujours qui décident de nos actes. On était soucieux de noter quelque chose et non pas de s'attarder sur les moyens qu'on employait pour noter. On a toujours en vue une fin. Il est rare qu'on s'arrête en chemin pour examiner plus attentivement les moyens. S'ils sont bons, on n'y pense pas. La pensée naît toujours d'un échec. C'est parce que ça ne va pas qu'on s'arrête net, un pied en l'air, ou qu'on pose, c'est la fameuse statue, vous savez, du penseur de Rodin, son menton pesant sur son poing, le coude sur le genou droit, et qu'on pense. Et c'est extrêmement inconfortable ou désagréable comme occupation. Donc, quand on y songe, et qu'on se surveille soi-même en train d'écrire en français avec le système alphabétique dont nous sommes les légataires, quand on trace un A, c'est la tête de taureau à l'envers. En hébreu, Aleph, c'est le taureau. Donc nous continuons de tracer, comme les sémites occidentaux du IVe siècle, des têtes de bœuf ou de taureau lorsque nous voulons simplement noter le son A. Quand on passe au son B, alors Beit en hébreu, c'est la maison. Bon, on fait une petite maison, tout le monde voit le B majuscule. C'est la maison à un étage et à toit plat du Moyen-Orient. Et c'est sur la terrasse qu'on faisait sécher le blé, les dattes, les figues, etc., etc. Tout le monde trace un chameau. Ben, si, quand il fait un C majuscule, Gamal, Gimel, c'est le cou flexueux, gracieux d'une chamelle. C'est D, Dalet, la porte. Vous tracez une porte. et c'est le suppliant. Et c'est le son qui sort de la gorge du suppliant. Le et étranger. Et il va simplement basculer sur le côté droit en français. Voilà. Nous nous souvenons sans le savoir, lorsque nous écrivons tous, quand je croise quelqu'un en France, en principe, il est parfaitement alphabétisé. Il n'est pas possible de survivre 5 minutes sur le pavé de Paris si on ne sait pas lire, on est foutu. Tout est perdu. L'information nous arrive droit dessus, à jet continu, par saut. Et si on n'est pas en mesure d'interpréter, c'est une catastrophe. Alors je vais vous parler, j'ai employé un mot très déplaisant, de la substance du signifiant. Alors ce n'est pas pour faire l'intéressant, pas du tout, je suis passé d'âge. C'est un concept, nous en sommes redevables à un linguiste danois qui s'appelait Louis, alors ça s'écrit Hjelmslev, il paraît que les Danois prononcent Hjelmslev ou Hjelmslu. C'était un épigone du grand linguiste genevois Ferdinand de Saussure, dont il a systématisé, raffiné les principales propositions. Et on s'avise à un certain moment qu'on a véritablement besoin de ce concept, de cette notion de substance du signifiant pour éclairer mais notre propre histoire, ce qui est en train de nous arriver et qui, sans cela, restera dans l'ombre et aura beau jeu d'agir à notre insu sur nous, c'est-à-dire de faire de nous comme des marionnettes ou des pantins qu'agitent les fils invisibles de quelques malins génies cachés dans notre dos. Ce qu'on appelle la forme du signifiant est arrêté depuis à peu près 3000 ans. C'est l'alphabet. Nous utilisons systématiquement une notation de caractère alphabétique, aleph, bet, etc. Il n'en va pas du tout de même pour la substance du signifiant. Et ce qui est amusant quand on y songe, enfin amusant c'est pas le mot, j'aurais dû en trouver un autre, c'est que la forme a à peu près épousé le destin de la substance. À savoir que les premiers systèmes de notation sont mimétiques. Les signes humains représentent les choses auxquelles ils renvoient. L'esprit n'a pas brisé ses chaînes. Il courbe la nuque sous le joug de la création. Il ne conçoit pas de la soumettre à sa volonté. Ce qu'il fera lorsque il utilisera ses propres sons. Mais dans un premier temps, la forme des caractères, les hiéroglyphes, les idéogrammes, les cunéiformes, mime le monde matériel, le monde sensible. C'est une avancée considérable en ce que nous mettons à part ce que nous pensons. Ce qu'il y a d'important dans l'écriture, c'est qu'elle fait migrer, passer la parole du registre de l'ouïe où nous ne sommes pas tellement bons, dans celui de la vue où nous excellons parce que nous avons une vision binoculaire. Est-ce que vous avez tous vu ce qu'on appelle une vache? C'est des animaux qui sont très fréquents dans ma petite patrie. Ou un cheval. Bon, ils ont les yeux de part et d'autre du crâne. Ils ont une vision monoculaire. Ce qui fait que nous les surclassons dans beaucoup de parties. Nous partageons avec un assez petit nombre d'espèces le privilège d'avoir une vision binoculaire. L'espace compris entre nos deux yeux sert de base à des opérations de triangulation. Nous pouvons situer une chose avec une précision à quoi peu de créatures sont susceptibles de se porter. Nous sommes l'espèce visuelle par excellence. Quand nous écrivons, quand nous notons, nous avons passé ce qui nous qualifie de prime abord la parole du registre de l'ouïe, de l'air atmosphérique dont le nom pourrait être trahison. Il est oublieux de ce que nous lui avions confié en dépôt. Aucune des paroles dont cette salle a retenti depuis, je ne sais pas trop quand, 1897 peut-être, n'est restée. Alors bien sûr, c'est avantageux en ce que la place est libre, qu'à mon tour j'en glisse quelques-unes qui suivront même destin, mais l'air est oublieux. Nous ne pouvons rien lui confier, il ne nous restituera rien de ce que nous lui avions abandonné. L'écrit arrache la parole, donc la pensée, à cette espèce de fatalité des flux temporels, elle l'objective. On voit sa pensée du dehors. C'est une chose extraordinaire que de voir ce qui était enseveli dans la nuit intérieure nous apparaître en extériorité, sous nos yeux. On peut se détourner de ce qu'on a écrit, l'abandonner 3 minutes, 3 jours, 30 ans, y revenir et le découvrir intact, exact, fidèle. Et on n'en revient pas de ce que celui qu'on était à 30 années de là ait pu dire pire, écrire des choses aussi regrettables. Mais c'est la rançon de l'écriture, sa fidélité, sa parfaite fidélité. Nous savons qu'elle survivra à la destruction de nos corps et de nos esprits. C'est pourquoi les premiers textes sont des actes économiques. C'est des contrats. C'est ce qu'on appelle dans la marine marchande des connaissements. Tu as embarqué ça. Et ça doit se retrouver quand tu atteindras Tyr ou Sidon ou un autre port à quelques centaines de kilomètres de là. Des contrats de location d'esclaves, de terres, de bêtes, des prières, parfois des décrets du despote. L'écriture est tributaire dans son premier temps de ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire le changement de mode de production. On a besoin d'une mémoire auxiliaire et en même temps, sa nature même, sa fixité, nous garantit contre l'oubli ou la mauvaise foi, etc. Seulement, s'il est vrai qu'en écrivant, nous nous libérons de notre pensée, elle est victime, comme nous, selon les religions de l'Inde, d'une sorte de métempsychose. Elle est prise dans une sorte de karma. On doit la confier d'abord au plus lourd, au plus grossier des éléments, c'est-à-dire la terre. Je vous disais que les premiers signes miment le monde, les champs, les hommes, les femmes, le soleil. Eh bien, la substance du signifiant, à l'origine, c'est la terre même, celle qui nous porte. L'argile, puisqu'elle est plastique, on peut y inscrire ce que bon nous semble, et éventuellement la cuire pour lui conférer cette ténacité qui va braver la durée. Il est assez vraisemblable que très tôt, on a recouru à la peau des animaux, ce qu'on appelle le parchemin qui vient de la ville de Pergame. Mais les tissus organiques durent assez peu, même dans des conditions aussi idéales que peuvent l'être celles de ces régions semi-désertiques, où les choses durent infiniment plus que sous nos climats humides, océaniques. On a gardé de la préhistoire des os incisés. On a également en Chine les fameuses carapaces de tortues craquelées qui expliqueraient la divergence. Je vous livre ça, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps sous la plume d'un spécialiste qui s'appelle Léon Vandermeersch. Bon, il est évident qu'il y a deux civilisations, occidentale et extrême-orientale. Pourquoi diffère-t-elle à ce point? Des deux côtés, on avait l'écriture. Qu'est-ce qui explique que la pensée chinoise ait pris ce chemin très singulier à nos yeux? Ou inversement, d'où vient que nous soyons engagés dans cette direction que la Chine a évitée? Alors la thèse de Vandermeersch est la suivante. L'écriture occidentale, c'est-à-dire moyenne-orientale, est d'entrée de jeu tournée vers la production, vers les choses, vers l'ici-bas, vers les biens tangibles, les nourritures terrestres. C'est un instrument de compte. L'écriture chinoise est divinatoire. Elle est orientée vers un au-delà qui est obscur, je dirais, par définition, par nature, ce qui expliquerait les voies divergentes selon lesquelles sont développées ces deux cultures. D'un côté, une orientation pratique, économique, politique. De l'autre, une orientation mantique. On confie d'abord à des supports grossiers, pesants. L'argile, c'est 3, densité 3. Un cube d'argile de 1 litre pèse 3 kilos. Le porphyre, le granit, le calcaire lithographique, 3,5. J'en reviens à mes 34 km de rayonnage de la bibliothèque de Sorbonne. On ne peut pas emporter grand-chose avec soi lorsque la moindre plaquette de calcaire lithographique ou la moindre tablette d'argile pèse déjà 500 grammes, 1 kilo. C'est important, la substance du signifiant, on n'y songe pas, parce que c'est la forme, bien évidemment, qui nous fascine, mais joue un rôle extrêmement important dans le destin des bibliothèques en particulier et de l'espèce en général. Les premiers parchemins sont plus tardifs. Il semblerait que l'Égypte ait utilisé le papyrus dès qu'elle a mis au point les hiéroglyphes. La Chine, qui a tout inventé, a inventé le papier. Alors, ça a été daté. C'est à partir du 3e siècle. Après Jésus-Christ. Et elle se sert à cet effet de cocon de verre à soie mal formé et rebuté. On les fait bouillir, ils sont laminés, et ça donne le papier. Au VIe siècle, 300 ans après, les Chinois inventent l'imprimerie. Montaigne le dit. Montaigne, au XVIe siècle, découvrant que l'écriture est en train de diffuser partout en Europe occidentale, a appris, on ne sait comment, il ne le dit pas. Il aurait pu se montrer plus verbeux, parfois plus loquace. Ben si, plus que de choses ils ont su, n'ont pas cru devoir confier au papier, ce qui fait que nous sommes confrontés continuellement à de douloureux mystères, parce que nous voudrions savoir, le naturel désir de connaître, comme dit Montaigne, nous brûle, nous poing, nous aussi. Et Michel de Montaigne, parce qu'il était un peu fatigué ce soir-là, ou qu'il souffrait de la gravelle, des reins, n'a pas cru devoir allonger un petit peu son papier pour nous dire par quel biais il avait appris que la Chine, depuis 1000 ans avant nous, avait la technique de l'impression. Donc au VIe, ça y est, on imprime avec des matrices, des poinçons, en bronze ou en argile. Ils ont des argiles très dures qui, semble-t-il, se prêtent assez bien à des travaux d'impression. Je ne sais plus qui est un historien, c'est Duby sans doute, qui constate que, alors que saint Thomas d'Aquin, au XIIIe, continue de gribouiller sa somme théologique sur des peaux de moutons, il y a 1000 ans que le papier circule dans l'empire du milieu. Alors l'Occident l'emprunte toujours par le canal des Arabes à la Chine, parce que des Arabes avaient fait prisonniers des Chinois, lesquels leur ont appris les procédés de fabrication. Et lorsqu'on réussit à mettre la main sur deux ou trois Arabes, la première chose qu'on leur soutire, c'est « Comment vous faites pour avoir du papier ?» Voilà. Autre chose encore, on n'aurait pas eu le papier, il n'y aurait pas eu les temps modernes, on ne serait pas ici. Jamais la peau de toutes les, comme il disait, les bestes à laine de la terre n'aurait suffi à assurer le débit de l'imprimerie. L'imprimerie naissante a besoin en très grosse quantité d'un support relativement peu onéreux. Il arrive à point nommé après les guerres qui nous ont opposés dans le bassin méditerranéen à la civilisation ottomane, mais c'est le papier. Il arrive enfin. Un détail, mais c'est plus fort que moi, il faut que je vous le livre. Alors voilà, je me suis procuré un jour une grammaire de Lomont, qui était un pédant du XVIIIe siècle, qui a écrit une grammaire française sur le modèle du latin, ce qui fait qu'il a juste oublié la syntaxe, ce qui laisse un peu rêveur les vieux profs de collège. Et alors ce qui est amusant, c'est le fait que ma grammaire est reliée de parchemin, et que si la lumière est un peu vive, on voit apparaître encore, comme en demi-teinte, les cursives et les onciales du vieux parchemin médiéval, mérovingien, carolingien, j'en sais rien, qui a été dépecé pour servir de reliure à des publications plus récentes. Ce qui est troublant, c'est que le contenu est devenu le contenant. Alors, on met longtemps à comprendre, c'est toujours comme ça, il y a de beaux livres imprimés qui sont encore revêtus de peaux de bête, qui les alourdissent, voire de plaques de métaux précieux, de l'argent, de l'or, éventuellement enrichis, c'est-à-dire alourdis, de cabochons, pierres précieuses. On tarde. On est dépassé en quelque sorte par l'aventure. On se rend mal compte de ce qu'il faut ajouter à ce qui se passe pour optimiser les ressources, qui est la définition de la rationalisation. Qu'est-ce que rationaliser ? C'est optimiser les ressources. On sait que, par exemple, la Chine a écrit aussi sur du bambou. J'en ai vu des morceaux. Les Russes, sur l'écorce des bouleaux, qui semble spécialement destiné à recevoir des caractères. Vous savez que les premiers papiers sont issus de la trituration des vieux chiffons. Jamais toutes les hardes et les haillons de la terre n'auraient suffi à fournir aux besoins de la révolution industrielle et qualitative, mais c'est le moment où, là encore pressé par la nécessité, sous l'empire du besoin, on s'avise qu'on peut triturer des arbres, les réduire en pâte, y ajouter du chlore, et disposer de la quantité de papier requise par le développement des journaux, des romans grand public avec des tirages élevés. Alors j'espère que vous êtes quelques-uns, comme moi, à être au désespoir de voir que les livres de poche qui ont par exemple illuminé ma jeunesse, eh bien sont en train de tourner à l'acide chlorhydrique, parce que le chlore qu'ils enferment se combine avec l'oxygène atmosphérique, et c'est la mort dans l'âme que je vois se desquamer, s'effriter, jaunir, mourir entre mes mains, les livres qui ont illuminé ma jeunesse. Alors maintenant, une petite vacherie provinciale contre les Parisiens, c'est plus fort que vous. Vous êtes prêts? La substance du signifiant, qui est une chose extrêmement importante, c'est numérique. C'est, vous avez compris, à cela que je veux en venir. La substance du signifiant peut rester inaperçue des habitants des grandes villes, et spécialement des gens de Paris. Pourquoi? Mais c'est tout simple. Il y a des grandes bibliothèques partout. En 10 minutes de métro. En 3 minutes de marche à pied. Vous êtes, par exemple, à la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, avec des gens qui vont s'empresser de mettre à votre disposition tout ce que vous pouvez désirer. Et alors maintenant, une proposition d'ordre général, c'est son absence. Et c'est la douleur que celle-ci nous occasionne qui nous révèle l'importance, le prix, voire au point où j'en suis, l'existence d'une chose. Aussi longtemps que nous n'en avons pas été privés, non seulement nous le mesurons mal, mais c'est à peine si nous concédons une existence propre à cette chose dont nous n'avons pas encore été dessaisis et dont le manque ne nous a pas transi. Alors maintenant, compliment, pour Paris, bien sûr. Un tourangeau qui s'appelait René Descartes, lorsqu'il s'est agi de dire quelques mots à propos de la capitale, l'a défini ainsi, un abrégé du monde. Quoi que ce soit que vous puissiez souhaiter avoir, obtenir, savoir, c'est ici et nulle part ailleurs que vous pourrez vous le procurer. Vous souhaitez connaître un fait extraordinairement ténu, dont l'explication ne subsiste que dans un seul et unique livre. Il y a toutes les chances pour qu'il se trouve à la BNF, à la Mazarine, à l'Arsenal, à Sainte-Geneviève, ou de l'autre côté du mur, là auquel je tourne le dos. Notre existence personnelle est largement illusoire. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est un sociologue qui s'appelait Pierre Bourdieu et qui a condamné, voilà, plus de 40 ans avec une rudesse toute rustique, qui sortait du Béarn, ce qu'il appelle le lieu prétendu de la subjectivité. C'est à la fin de la préface qu'il a donné à ce livre monumental qui s'appelle « Le sens pratique ». Nous ne sommes jamais chacun que du social individué ou de l'histoire incarnée. Alors je vais vous donner deux contre-exemples. Un sort inique m'a fait naître il y a très longtemps à 500 km de Paris, plein sud. C'est-à-dire à peu près avec 500 ans de retard sur le présent qui est l'heure que marque l'horloge des grandes métropoles. Alors, je vous fais grâce des détails, la paix champêtre, des fumées bleues qui s'échappent des toits d'ardoise grise du hameau sous le taillis de châtaignier, l'emblème de ma région, c'est la châtaigne, en bras peint. La bergère au fuseau, je l'ai vue. Mais c'est... Bon, je les ai vues quand je vous vois. Et un trait, je suis très sérieux, résumer la situation, on parlait occitan. Là où vous avez accoutumé de dire oui, si j'ai bien compris. On disait hoc, oui, la langue d'oc, on disait hoc. Là où vous dites le jardin, excusez-moi, c'est un terme allemand, c'est Garten. Nous disions l'hort, hortus. Ouais. On ne parlait pas pointu. On ne palatalisait pas systématiquement les dentales. On ne basculait pas le polygone focalique. Nos O étaient des O et pas des E. Nos A étaient des A et pas des O. On entendait bah, tiens, tiens, tchévin. J'ai trouvé très curieux, et continue, même s'il n'y paraît pas, la manière dont on réalise la langue française sous ses latitudes. Bref, on parlait occitan plus de 400 ans après que l'édit de Villers-Cotterêts, 1539, promulgué par le roi François Ier, eut rendu l'usage du, je cite, « langage maternel françois » obligatoire dans tous les actes publics. on ne parlait pas le français. J'ai connu des gens qui n'étaient qu'occitanophones. Je les ai vus comme je vous vois. On usait de la langue française à la dernière extrémité, lorsqu'on était couché sur le lit de l'agonie, qu'on faisait venir un officier bilingue assermenté, à qui on dictait en patois, comme on disait, les langues à grosses pattes, patoudes, ses dernières volontés, l'autre les transcrivait en français sur le papier, nous les relisait en patois, et on signait, c'est-à-dire qu'on mettait une croix en bas. J'ai ces pièces dans mes papiers de famille. J'en ai même sur parchemin de 1610, ils ont tous signé qu'une croix. Mais c'est du français d'une extrême pureté, parce que la loi rend obligatoire son usage pour tout acte juridique, si ténu, si mince soit-il. Alors je ne vais pas en rajouter, j'ai toujours été francophone, scolarisé, j'habitais une sous-préfecture. Oui, il y en a. Mais, au nombre des mots MAUX dont nous avons eu à pâtir, jusqu'y compris dans les sous-préfectures, et c'était un effet de l'éloignement spatial, donc du dénivelé temporel. Les livres, et je me tourne vers mes collègues des bibliothèques de Paris, au lieu de nous aider à mieux vivre, à nous moins mal conduire dans cette vie, nous précipitaient dans un trouble inexprimable. Alors, la raison est la suivante. Les biens de l'esprit sont aussi mal répartis que les biens matériels. Ce qu'on appelle la distribution joue dans les deux registres dont nous participions, matériel ou économique, si vous voulez, et symbolique. C'était un trait constant, invariable, inéluctable, que les livres parlaient toujours d'endroits où on n'avait jamais, je vais être grossier, foutu les pieds, de gens qu'on n'avait jamais vus, tandis que, inversement, les lieux prochains, les êtres familiers n'apparaissaient jamais dans l'espace sacralisé, lumineux, doré, valorisé, qui se trouve compris entre les plats de couverture des ouvrages imprimés. Alors, puisqu'on est à la Sorbonne, je vais faire le pion, le prof. On appelle ça un chiasme, c'est du grec, chiasma, c'est la croix, c'est une relation de double symétrie inversée. Il est toujours question de choses qui vous sont étrangères, et jamais, jamais de ce qui vous est familier. Je me rappelle, c'est une affection générique, l'espèce de désespoir à quoi je me trouvais réduit lorsque j'eus terminé ma scolarité dans ma petite patrie, nous semblions, par l'effet d'un maléfice obscur, condamnés à vivre d'un côté, à penser de l'autre, sans jamais réussir à faire coïncider ces deux ordres entre lesquels nous sommes écartelés de par notre nature même, à savoir corporelle étendue d'un côté, et de l'autre mentale, pensive. C'est le premier contre-exemple. Si vous en avez assez, vous me dites, j'abrège et je passe à la conclusion. Courage. Je ne voudrais pas être longué. Alors j'ai un deuxième contre-exemple. Avec une bonne partie de ma lignée, de ma génération, nous sommes partis brutalement, contrairement à toutes les habitudes antérieures, à la fin de l'adolescence, il nous arrivait une chose qui nous est peut-être pas sensible sur la place de Paris. Nous avons franchi ce qu'on appelle des seuils démographiques. Alors, puisqu'il semblerait que vous ne sachiez pas ce que c'est qu'une sous-préfecture, c'est entre 35 et 45 000 habitants, dans un petit bassin cerné de collines douces d'ailleurs, à 500 km de la capitale, sans que les échos en parviennent ou nous atteignent, et réciproquement, sans que nous nous soucions exagérément de savoir ce qui se passe là-haut. Quand même, si de temps en temps, en plissant légèrement l'intersourcilier, ce qui est un signe d'inquiétude, on regarde un papier, oula, ça vient de l'Élysée, oh, ça tombe de Matignon, c'est dans Le Monde, c'est dans le journal officiel, oh ben c'était sur TF1, oh, ben, je l'ai entendu sur France Inter, bon voilà. Mais c'est un côté un peu irréel, un peu intergalactique. Le seuil démographique, je ne sais pas combien, toujours pas. 100 000, 250 000, 1 million, 2. Paris, un peu moins de 2 millions d'habitants dans un cercle de 7 km de diamètre. Marseille, 1 million. Lyon, pas loin d'un million. Toulouse, c'est déjà plus petit. Bordeaux également. On a franchi un seuil démographique. Limoges, 100 000 habitants, quand même. Bon. Oui. C'est pas de ça que je voulais parler. Enfin, si. On franchit un seuil démographique. Des choses qui étaient impensables se rapprochent un petit peu. Pourquoi ? Mais parce que la vie se différencie. Si on est très malade, on va consulter à Limoges. On quitte la sous-préfecture parce que c'est à Limoges et nulle part ailleurs ou à Bordeaux qu'on va trouver quelqu'un qui a d'une part l'outillage requis et d'autre part la sûreté de diagnostic qui permet d'être fixé sur les mots qui nous assaillent. La médecine locale, j'essaie d'en rire aujourd'hui, mais c'était pas drôle du tout. Donc, on franchit les seuils démographiques où il faut partir. Alors, j'en reviens à mes petits calculs. On peut porter 40 kilos à bout de bras. J'ai vérifié. Répartis en deux fardeaux de 20 kilos. Alors, bien sûr, ceux qui n'ont pas fréquenté les internats de garçons juste avant 68, après la Toussaint, ne peuvent pas comprendre ce que je veux dire et qui se rapporte, vous l'avez compris, toujours encore à la substance du signifiant. On avait des congés à la Toussaint. Alors, ensuite, on repartait pour 6 semaines dans les pensionnats. Et c'était chaque fois le même dilemme. Est-ce que j'emporte un gros tricot à côte ou est-ce que j'emporte un dictionnaire ? Aujourd'hui, oui, j'en souris, mais pour le gamin de 17-18 ans que j'étais, c'était réellement un dilemme. Le gros tricot m'épargnera la morsure du froid. Mais le gros dictionnaire, qui prend à peu près la même place, m'expliquera une langue étrangère. Je savais, et ça ajoutait à ce drame microscopique, que quelle que fût la décision, j'aurais à pâtir, soit physiquement, soit mentalement, de ces suites. Sur le tard, j'enseignais dans Paris, j'ai vu arriver les gosses, les étudiants, avec ces tablettes dans lesquelles ils introduisaient 500 livres. Si on ne donne pour poids moyen un livre que 500 grammes, je suis très modeste, 250 kilos de papier. Ça représentait le quart d'une tonne de papier imprimé. Et j'ai compris que nous venions d'entrer dans une nouvelle révolution. La substance du signifiant, ou bien les livres sont accessibles, tout proche, à 10 minutes de marche, ou même de l'autre côté du mur. Ou bien tel n'est pas le cas, et si tel n'est pas le cas, nous resterons ensevelis dans les vieilles ténèbres. Nous ne saurons pas, nous ne serons point tels qu'il était permis, donc prescrit, de le devenir, c'est-à-dire à l'image de notre temps. Même dans des institutions comme ces immenses bibliothèques de la capitale, une ombre continuait d'être répandue sur les lumières de l'esprit en tant qu'elle demeurait inféodée à de pesantes substances, la pulpe des arbres, la roche, la peau des animaux. J'ai envie de vous faire grâce de l'exemple parisien. Je dirais un mot. J'ai travaillé à 20 ans, comme tous les étudiants, à la Bibliothèque nationale parce que j'avais un mémoire dit de maîtrise à maîtriser. Il fallait être là très tôt. Le nombre des places était limité et si on ne se présentait pas dès l'ouverture, on n'était pas certain de trouver une place. Donc ça cheminait par les rues encore alimentées dans le froid du matin, jusqu'à la rue de Richelieu, puisque c'est là que la BNF, à l'époque, se trouvait. Il fallait consulter des fichiers antédiluviens sur des fiches de carton, dans des classeurs patinés en chêne foncé. Ces coquins avaient changé la codification sur la période qui m'intéressait. Ce qui fait que je m'étais creusé la tête pour intérioriser les principes du classement, et qu'attaquant la deuxième partie de ma biblio, je découvre qu'il fallait tout remettre par terre et tout reprendre à zéro parce que la surabondance de livres arrivée à cette période avait saturé le premier système et obligé l'élaboration d'un second. Il y avait autre chose qui était un peu terrible, c'était lorsqu'on levait un peu le nez de la besogne, de voir jusqu'au plafond à des hauteurs vertigineuses tous ces dos étagés. Il me semble toujours, qu'ils exerçaient un effet démoralisant. Il tuait littéralement dans l'œuf le petit travail auquel on s'adonnait et qui était à peu près tout ce que, avec la meilleure volonté et l'énergie du désespoir, on pouvait faire aboutir. On était tenté de baisser les bras. Et on se disait en même temps, c'est un spectacle de cette nature qui a pu inciter Goethe, par exemple, caresser la chimère du savoir absolu, Faust. À Hegel, un autre allemand, d'élaborer ce concept et de l'inscrire dans la fin de sa philosophie. Et selon toute vraisemblance à Borges, puisqu'il est directeur de la Bibliothèque nationale de Buenos Aires, d'écrire la bibliothèque de Babel. On ne peut pas s'empêcher à découvrir du regard un tel spectacle, d'avoir de ces imaginations, de tout lire. Et puis on se rappelle l'étroitesse de nos embrassements et la brièveté de notre saison. Je vais citer Montaigne, la nihilité de notre condition. Donc vous avez compris que je parle du début du tournant numérique, derrière ces termes un peu barbares ou gothiques, je ne sais trop, de substance du signifiant. Les signes viennent de se détacher de leur ancrage matériel. Après avoir suivi pendant 5 millénaires les champs de l'argile, des carapaces de tortues, du bois des bouleaux, des bambous, des peaux de bêtes, de la pulpe de bois, ils viennent d'un seul coup de s'affranchir de ces substances pesantes, pondéreuses, écrasantes, pour suivre les champs des flux d'électrons, dont la masse est négligeable. Alors je sais bien que le tournant numérique ne nous procurera ni l'omniscience ni l'immortalité. Nos petits-neveux seront captifs, comme tous les hommes l'ont été et le reste, du cachot spatio-temporel. Mais, il me semble, j'en ai l'intime sentiment, les limites, les murailles du cachot viennent de reculer, prodigieusement. On a vu, je crois, une triple révolution en 30 ans, celle du procès de production. Le travail vivant est expulsé d'une quantité incroyable d'activités. On n'a plus besoin d'hommes. Les robots sont au travail. Ils travaillent mieux que nous, plus vite, à moindre coût. Ils se mettent en grève et ils sont susceptibles d'être très rapidement évacués pour laisser place libre à d'autres robots plus performants, comme on dit. On a vu la révolution des transports. Aucun point du globe n'est plus éloigné de plus de 48 heures de vol de n'importe quel autre point. Il a fallu 3 ans et demi à Magellan pour faire le tour du monde. 48 heures. N'importe qui, n'importe où, à toute heure, peut accéder à la totalité de l'information archivée. Il m'a fallu 10 ans pour le comprendre. Pour admettre que les tonnes de livres que je m'étais ruiné à me procurer, était frappé brutalement d'obsolescence. Si j'avais un peu tardé à répondre à l'appel de mon nom au guichet des limbes, que j'ai attendu ces dernières années pour naître, je ne me serais pas rendu rue de Richelieu jadis, j'aurais consulté Gallica, ça y est, le contenu de la BNF, et numérisé. Et j'étais surpris d'apprendre qu'il y avait une infrastructure matérielle, c'est-à-dire des espèces de hangars aveugles et réfrigérés qui ressemblent un peu à des grosses boîtes de Kleenex. Je crois que c'est en Val-de-Marne ou la Seine-et-Marne, je ne sais plus trop. Voilà. Mais quand nous sommes là, devant notre écran, comment soupçonner qu'il existe encore quelque chose de palpable qui assure la transmission, la conservation de ces milliards, de milliards, de milliards, de myriades de signes. Je me tourne vers le personnel des bibliothèques qui est en première ligne. Collègues, c'est votre tour. Jamais chose pareille ne s'était produite, jamais. Ses collègues, ses confrères assurent depuis la bibliothèque d'Alexandrie, depuis Assurbanipal, la conservation, l'entretien, la célébration des archives écrites. C'est la plus belle tâche qui soit. Avec l'enseignement. Fourrer tout ça en crâne des gosses, mais être assuré que derrière, vous disposez en permanence de ces archives, autour de quoi nous allons rassembler, je vais être emphatique, les vivants et les morts. Il m'a semblé, il y a 35 ans, lorsque les 4 tours de la très grande bibliothèque sont sortis de terre entre le pont de Tolbiac et le pont de Bercy, je me suis dit, ça y est, c'est fini, l'histoire est finie. C'est la fin de l'histoire, reposons-nous, dormons. J'avais oublié que par un décret des dieux mauvais, ou par une simple loi de l'histoire qui est celle du mouvement, le déclin est déjà dans l'achèvement. Bien sûr, on a édifié ces tours gigantesques, on a pris toutes sortes de précautions pour assurer... Oui, mais le numérique était déjà à l'œuvre dans les entrailles de la Terre, il commençait de pointer ici et là le bout de son nez. J'ai appris, comme chacun d'entre nous ici, comme on l'a fait sans discontinuer depuis des siècles et des millénaires, à tracer l'image d'une tête de taureau pour noter le son A en majuscule, d'une maison à toit plat de Syrie ou d'Irak ou de Palestine, etc., etc. Et j'ai appris, il n'y a pas si longtemps que ça, que dans certains États d'Amérique du Nord, on n'attendait même pas que les fillettes et les garçonnets aient appris à tracer à peu près convenablement leur caractère, on leur fourrait entre les pattes un clavier alphanumérique. Je me demande, et je pense que si on fait ça, oui, c'est sûrement ce que l'heure qu'il est nous enjoint à nous les vivants, puisque c'est nous les vivants, de faire. Quand j'ai fait le tour de la bibliothèque, en me demandant, le cœur déchiré, j'ai plutôt parlé de l'édition du discours de la méthode du père Mersenne ou des trésors iconographiques de la bibliothèque de la Sorbonne. J'ai vu arriver les étudiants, alors j'ai eu deux pensées. La première, je baisse la voix, ils les prennent au berceau maintenant, les étudiants. La deuxième, oui, ils sont maintenant, c'est peut-être pour ça qu'ils ont tous ouvert leur petit ordinateur portable, qui est, j'imagine, une merveille, bien plus puissant que ceux qui ont servi à piloter le LEM en 1969, lorsque les Américains se sont... Ben oui, un gosse avec ça, il poserait une demi-douzaine de LEM sur la Lune, alors que j'ai vu, c'est dans Tom Wolfe, que le gars qui était chargé de diriger l'opération... a compris à la dernière seconde que là-haut, ils avaient perdu le contrôle. Les ordinateurs étaient saturés et clignotés. Alors, naturellement, il s'est bien gardé de rien dire à personne. Mais lorsque le LEM se fut posé, il a donné un grand coup de poing sur la console de commande. Et le lendemain matin, après que tout le monde eut bu du champagne, on l'avait rêvé avec le bras dans le plâtre. Il s'est cassé tous les os du poignet, tellement l'énergie concentrée, donc une bouillie à cet instant très, très critique, était grande. Oui, et pourtant, ils avaient des ordinateurs à bord de... comme ça, eux. Oui, les étudiants sortent leur portable et je regardais ces trucs. Je vais être méchant, ridicule, enfin pour moi, qui ai connu les grosses bécanes du début, là où à 20, 30 ans d'édition, déposaient encore les pesants inoctavos, c'est les séries historiques inoctavos, ou les mal commodes et gigantesques in-folio. Les deux premières révolutions du mode technologique de communication ont changé la face du monde. Nous ne sommes plus les mêmes depuis que nous avons à notre disposition l'outil graphique. Nous ne pouvons plus entrer dans la conscience, dans la cervelle de ces hommes qui ont dû se régler uniquement sur la mémoire naturelle. Nous sommes autres. Si la mémoire était bouleversée, la conscience, qui n'est jamais que la réactualisation permanente de la mémoire, l'a été aussi. Nous sommes des êtres différents, même si nous appartenons toujours à la race de Cro-Magnon. Des grands empires de l'Antiquité, la première civilisation, roulaient sur l'écrit. Les temps modernes, l'européanisation de la planète, la globalisation, les sciences exactes, la réforme de la religion chrétienne, la raison résonante, triomphante, ont été portées par la presse imprimée et le papier. Ce que demain sera, je vous le dis dans la simplicité de mon cœur, je n'en ai aucune idée. C'est l'affaire de nos descendants. Je leur souhaite bon vent. Ils verront bien. Voilà. Eh bien, j'en finis. Je vous remercie.